Toujours à l'occasion des 5 ans du décès du général Kim Jong-il, le corps des conseillers économiques et commerciaux et les membres des représentations des institutions internationales en Corée, comme le Programme des Nations Unies pour le Développement, le Programme Mondial de l'Alimentation, l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Fonds des Nations Unies pour la Population ont déposé le 15 les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il sur la colline Mansu pour leur rendre hommage.